d'amis parfois pour eux mes larmes ont coulé. Je pensais que des yeux d'un homme aucune goutte n'aurait pu se verser. Je sais, ma langue peut être aussi bercée par les sentiments. Mais qui a l'amitié qu'on ne peut briser comme le diable? Qui est mon ami? Celui avec qui j'ai fait les 400 coups, c'est qui mon ami? Et ce gars avec qui je ris beaucoup, parfois je ne sais plus vers quelle ombre dois-je me tourner? Sur qui puis-je compter? Qui sera là quand je n'aurai plus rien à compter? Dois-je faire confiance à ces gars qui ont grandi avec moi? Ceux avec qui, après une poignée de monstres, montraient du doigt en disant: c'est lui mon gars, c'est lui mon frangin, mon frère de sang. Et si tu me fais du mal, je suis sûr que pour moi, il te descend. Comment s'arrête une amitié? Soudée comme les maillons d'une chaîne par une femme qui t'appartient et à qui ton ami lui dit je t'aime. Aussi solide que l'amitié soit parfois ne tient qu'à un fil. Quand tu n'as plus rien, les vrais restent. Et là les fausses défilent, c'est un pacte que je respecte, qui me suivra jusqu'au temple. Au même enseveli, je serai présent si tu devais tomber de haut. Je te dis tout parce qu'au fond de moi j'ai pensé tout haut. J'ai perdu tant d'amis, parfois pour eux mes larmes ont coulé. Je pensais que des yeux d'un homme aucune goutte n'aurait pu se verser. Je sais, ma langue peut être aussi bercée par les sentiments. Mais qui a l'amitié qu'on ne peut briser comme le diamant? Jadis, nombreux de mes amis proches m'ont donné du bonheur. Mais là, c'est un destin moche, les a fait partir de bonne heure. Disparu par une mort qui sort ses dents et qui t'arrache. J'ai tapé des poings, criant Lucifer, tu es trop lâche. Parfois j'ai peur d'aimer, en fait trop peur de voir disparaître. Peur de partager mon cœur, peur que demain tout s'arrête. J'ai voulu 12 mois de mai où les saisons auraient plus de couleurs. Les disparus que j'aimais auraient désormais plus de valeur. Je me rappelle quand le noir de ma peau n'avait pas d'importance, où la différence noir et blanc n'était que sur les photos de romance. Je me rappelle quand j'ai mangé dans la même assiette que toi, quand j'ai dormi chez toi et que je me suis senti sous mon toit. Je le dis, mot simple mais dans le fond difficile à imager. Pour quelqu'un, peut-on plonger même si on n'a jamais su nager? Je bois ton sang si tu bois le mien à petite gorge. Et sans goût d'amertume, c'est qu'entre nous un lien s'est forgé. J'ai perdu tant d'amis parfois pour eux mes larmes ont coulé. Je pensais que des yeux d'un homme aucune goutte n'aurait pu se verser. Je sais, ma langue peut être aussi bercée par les sentiments. Mais qui a l'amitié qu'on ne peut briser comme le diamant? J'ai perdu tant d'amis parfois pour eux mes larmes ont coulé. Je pensais que des yeux d'un homme aucune goutte n'aurait pu se verser. Je sais, ma langue peut être aussi bercée par les sentiments. Mais qui a l'amitié qu'on ne peut briser comme le diamant? Je pense que le meilleur ami intime que j'ai c'est bien moi-même. Des copains sages, des amis un peu moins mais ça le fait quand même. Les gens te suivent mais tu ne sais jamais vraiment pourquoi. Pour ton oseille, ta réputation est jusque par toi. Tu vois le gars qui pour moi aujourd'hui est capable de s'entailler. Peut-être que lui-même priera pour demain me voir empaillé. C'est qui mon ami, toi le gars qui prend mes nouvelles? Ou toi qui ne dis rien et qui m'estime sans bien me connaître? Ou c'est peut-être toi qui par bonté partage ta gamelle? Ou bien c'est bien toi que tout le monde a accusé d'être un traître? Tu seras dans mon âme même si les autres te nient par erreur. Je te juge que par ce que tu me donnes par ton intérieur. Pour un lien de sang, mes larmes ont coulé. Pour un lien de sang, mes larmes ont coulé. Pour un lien de sang, mes larmes ont coulé. Pour un lien de sang, mes larmes ont coulé. J'ai perdu tant d'amis parfois pour eux mes larmes ont coulé. Je pensais que des yeux d'un homme aucune goutte n'aurait pu se verser. Je sais, ma langue peut être aussi bercée par les sentiments. Mais qui a l'amitié qu'on ne peut briser comme le diamant? J'ai perdu tant d'amis parfois pour eux mes larmes ont coulé. Je pensais que des yeux d'un homme aucune goutte n'aurait pu se verser. Je sais, ma langue peut être aussi bercée par les sentiments. Mais qui a l'amitié qu'on ne peut briser comme le diamant?